Le 7 décembre, à 3 heures du matin, les fourneaux du Duncan ronflaient déjà. L'île Amsterdam disparaissait dans les brumes de l'horizon. C'était la dernière étape sur la route du 37e parallèle et 5200 km la séparaient de la côte australienne. Que le vent d'ouest tint bon une dizaine de jours encore, que la mer se montra favorable et le Duncan atteindrait le but de son voyage. Mary Grant et Robert ne considéraient pas sans émotion ces flots que le Britannia sillonnait sans doute quelques jours avant son naufrage. Cependant, une difficulté se présentait ici. Les dernières nouvelles du capitaine Grant étaient du Callao, 30 mai 1862, d'après le Mercantile and Shipping Gazette. Comment le 7 juin, 8 jours après avoir quitté la côte du Pérou, le Britannia pouvait-il se trouver dans la mer des Indes? Paganel, consulté à ce sujet, fit une réponse très plausible. Et dans les plus difficiles, se fit montrer très satisfait. C'était un soir, le 12 décembre, 6 jours après le départ de l'île d'Amsterdam. « Eh bien, dit Paganel, au lieu de lire 7 juin sur le document, supposez que la mer ait rongé un chiffre de cette date. Lisez 17 juin ou 27 juin et tout s'explique. » « En effet, répondit Lady Helena, du 31 mai au 27 juin, le capitaine Grant a pu traverser le Pacifique et se trouver dans la mer des Indes. Il n'aurait donc plus, dit Glenarvan, qu'à atteindre l'Australie, sur la côte occidentale. Car, sur la côte orientale, Harry Grant eut non seulement reçu asile dans une colonie anglaise, mais les moyens de transport ne lui auraient pas manqué pour retourner en Europe. Mais les indigènes, demanda vivement Lady Glenarvan, sont-ils... Rassurez-vous, madame, répondit le savant. Ces indigènes sont sauvages, abrutis, au dernier échelon de l'intelligence humaine, mais demeurent douces. S'ils ont fait prisonniers les naufragés du Britannia, ils n'ont jamais menacé leur existence, vous pouvez m'en croire. Et s'adressant à Mary Grant, si votre père entre les mains des indigènes, ce que fait pressentir d'ailleurs le document, nous le retrouverons. Est-ce grand l'Australie? Demanda Robert. L'Australie, mon garçon, a quelque chose comme 775 millions d'hectares, autant dire les 4/5 de l'Europe. Tant que cela, dit le major. Oui, Magnaps, à un yard près. Il a donc le droit de prendre la qualification de continent que le document lui donne. Mais ce continent n'est pas mieux connu que l'intérieur de l'Afrique. Paganel se lance alors dans la présentation des différents marins et autres voyageurs qui ont parlé de l'Australie, désormais rattachée au Royaume-Uni.